La conférence conjointe des cadres des organismes du parti, de l'État, de l'économie et des forces armées pour appliquer à fond la tâche énoncée au 7e congrès du Parti du Travail de Corée s'est déroulée du 26 au 28 courant à Pyongyang. Y ont pris part Park Bong-joo et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux, ainsi que des organismes du parti et du pouvoir, des importantes usines, entreprises des provinces. Les participants ont discuté des moyens pratiques, scientifiques et réels pour accomplir parfaitement la stratégie quinquennale pour le développement de l'économie nationale et des mesures importantes pour engager énergiquement tous les militaires et civils du pays en mouvement de création de la vitesse Thomas Lima afin de réaliser l'objectif ambitieux de l'édification d'une puissance socialiste. Dans son rapport, le Premier ministre Park Bong-joo, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, a dit que le 7e congrès du Parti Travail de Corée a fait le bilan de la victoire et des réalisations fières obtenues dans l'éducation socialiste et avancé la nouvelle stratégie de développement économique pour consolider les assises matérielles et techniques du pays et opérer un changement dans la vie du peuple grâce à l'animation de l'éducation d'une puissance économique conformément à la hauteur de la puissance politico-idéologique et militaire. Il a souligné que la ligne de l'édification d'une puissance socialiste et la stratégie quinquennale de développement de l'économie nationale sont le plan radieux éclairant le raccourci de la victoire finale de la cause socialiste et le drapeau militant encourageant tous les militaires et civils à l'innovation, au progrès et à l'offensive continue. Il a énoncé les tâches par indices importants à accomplir pendant la période de la stratégie quinquennale et les problèmes à régler dans tous les secteurs de l'éducation d'une puissance économique à cette fin. Il a déclaré que tant qu'il y a la direction à viser du camarade Kim Jong-un, la solide base de l'économie indépendante, patrimoine des grands leaders, et les militaires et civils qui créent la nouvelle vitesse de l'époque Malima, suivant l'appel du parti, les objectifs ambitieux pour la puissance socialiste seront réalisés sans faute. Il y a eu ensuite les réunions par secteur de l'économie nationale. Les participants ont discuté des mesures concrètes et réelles pour réaliser l'objectif avancé par secteur économique suivant la tâche du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Park Bong-joo a clôturé la conférence conjointe. On y a proclamé la campagne de 200 jours pour ouvrir la brèche dans l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement économique avancée par le dernier congrès du parti. Par ailleurs, le meeting des membres du groupe de la direction du parti de la campagne de 200 jours s'est déroulé le 28 au Palais de la Culture du Peuple.